Prenez le révolutionnaire le plus radical et placez-le sur le trône de toutes les Russies. Et en moins d'un an, il sera devenu pire tyran que le tsar lui-même. Michel Bakounine. Ô l'homme du peuple Ribaud, je suis ton seigneur et maître. Tu n'as pas payé la gabelle ? Et non, seigneur, je n'ai pas... Alors, puisque tu n'as pas payé la gabelle, tu travailleras dans les mines de sel. Jusqu'à ce que tes yeux en pleurant dégrainent comme larmes que des cristaux de sel. Jusqu'à ce que tes larmes aient payé la gabelle. As-tu au moins payé l'impôt sur les portes et fenêtres ? Et non, seigneur, je n'ai pas... Alors, puisque tu n'as pas payé le prix du soleil qui t'éclaire, de l'air que tu respires, tu seras emmuré vivant avec ta femme et tes enfants. Ainsi apprendras-tu qu'il faut payer le droit de vivre. De tout temps, par tous les chemins, le prince avec ses soudards rançonne, pille, viole et tue au nom de son bon vouloir. Au nom de son bon vouloir. Ô l'homme du peuple Ribaud, je suis ton seigneur et maître. As-tu payé la taille, la taxe à ton seigneur et maître ? Et non, seigneur, je n'ai pas. Et la dîme à notre sainte mère l'Église pour l'allocation de tes mains, de tes pieds, de tes muscles de tes sens. De tes mains, de tes pieds, de tes muscles de tes sens. L'as-tu payé ? Et non, seigneur, et non, seigneur. Alors, puisque tu refuses de payer l'octroi pour le salut de ton âme, tu mourras dans le péché, excommunié, avec l'estoc de mon épée au cœur, puisque tu n'as pas payé la location de tes mains, de tes pieds, de tes muscles, de tes sens, de tes mains, de tes pieds, de tes muscles, de tes sens. De tout temps, par tous les chemins, le prince avec ses soudards rançonne, pille, viole et tue. Au nom de son bon vouloir, au nom de son bon vouloir. Ô l'âme du peuple, je suis le chevalier errant, je viens d'oxyre ton maître en combat singulier, et je t'apporte la liberté, et je t'apporte la liberté, plus de taille ni de gabelle. Tes enfants vont pouvoir jouer la marelle dans les couloirs du château. Tu es libre, homme du peuple, tu es libre, tu es libre. Et l'homme du peuple tua le chevalier errant afin de devenir le nouveau maître du peuple, le nouveau maître des Ribauds. Et de nouveau dans les campagnes entendit-on, et de nouveau dans les villages entendit-on. Ô l'homme du peuple Ribaud, je suis ton nouveau seigneur et maître. Tu n'as pas payé la gabelle ? Et non, seigneur, je... Alors, puisque tu n'as pas payé la gabelle, tu travailleras dans les mines de sel, jusqu'à ce que tes yeux en pleurant dégrainent comme larmes que des cristaux de sel, jusqu'à ce que tes larmes aient payé la gabelle, aient payé la gabelle. De tout temps, par tous les chemins, le prince avec ses soudards rançonne, pille, viole et tue. Au nom de son bon vouloir, au nom de son bon vouloir.